Bonjour, je suis Laurence Garcia, je suis journaliste et je voulais vous parler de notre série « Ça change tout », le podcast qui explore les bouleversements sociaux, technologiques, économiques et géopolitiques à l'heure du défi climatique. « Ça change tout » donne la parole à des experts et penseurs de tous horizons, comme le climatologue Jean Jouzel, qui nous alerte sur le temps qu'il nous reste pour sauver le monde. « Ça change tout », c'est LE podcast sur la transition énergétique proposé par EDF, à écouter sur toutes les plateformes de podcasts. Vous savez Dreyfus ? Oui, Dreyfus le traître, qui a été condamné pour trahison, qui est à l'île du diable. Ah oui. Bon, eh ben, il est innocent. Oh, pas possible. Je ne vais pas tromper comme ça, quand même. L'affaire Dreyfus, les Dreyfusards. Je suis un libre écrivain qui a donné sa vie au travail, qui rentrera demain dans le rang et reprendra sa besogne interrompue. L'affaire Dreyfus, ah messieurs, elle est devenue bien petite à l'heure actuelle. Elle est bien perdue et bien lointaine devant les terrifiantes questions qu'elle a soulevées. Il n'y a plus d'affaire Dreyfus. Il s'agit désormais de savoir si la France est encore la France des droits de l'homme, celle qui a donné la liberté au monde et qui devait lui donner la justice. Dreyfus est innocent, je le jure. Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. En compagnie aujourd'hui de Perrine Simon-Naoum, bonjour. Bonjour. Philosophe, historienne, les intellectuels, les juifs, les intellectuels juifs. Vous avez vu, avec Zola, on se hausse tout de suite à un niveau philosophique. En même temps, l'histoire a beaucoup à voir avec l'affaire Dreyfus. Elle a partie liée avec l'affaire Dreyfus. Absolument, puisque vous savez qu'un certain nombre d'historiens se sont tout de suite engagés aux côtés de Dreyfus, qui était, l'affaire du bordereau, par essence, une affaire historique. Nous avons un texte, c'est une question de philologie, c'est-à-dire de reconstitution d'un texte, d'attribution d'un texte à son auteur, qui nous mène et on l'a vu avec Zola, la question de la vérité, la question de la vérité historique et aussi la question de la vérité comme principe qui va au-delà de l'histoire, puisque c'est un principe qui guide la science. L'histoire, à l'époque, en est encore à ses balbutiements, du moins l'histoire qu'on appelle positiviste, qui sera développée à la Sorbonne par Langlois et Seignobos, mais qui est portée à l'époque, et particulièrement portée dans le cercle des Dreyfusards, par cette personnalité extraordinaire qui est Gabriel Monod, qui donc fonde une revue au début des années 1870, voulant établir l'histoire non plus comme un récit, comme la recherche d'exemples, mais bien comme une science. Le bordereau 1894, découvert dans la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand, objet d'expertise graphologique qui tenait parfois de l'astrologie graphologique. Jamais le capitaine Dreyfus n'a admis que le bordereau l'était de sa main. Et parmi les premiers Dreyfusards, il y a la famille. Oui, parmi les premiers Dreyfusards, heureusement, alors d'abord parmi les premiers Dreyfusards, je dirais, mais on y viendra peut-être après, Alfred Dreyfus lui-même. Qu'on a longtemps tenu pour quelqu'un qui était un personnage finalement fallot, qui avait donné son nom à l'affaire, et que Vincent Duclerc, dans une formidable biographie, s'est attaché à, je dirais en quelque sorte, réhabiliter. Et il faut aujourd'hui, je pense à l'affiche du film de Polanski, où on voit Picard et où on voit Dreyfus, effectivement, il ne faut jamais oublier le travail extraordinaire qu'a fait Dreyfus et l'attitude qu'il a prise dès le départ, qui était finalement de chercher à imposer la vérité, mais de ne jamais l'imposer contre les institutions. Et on verra que c'est quelque chose qu'il faut vraiment rappeler, parce que c'est très important dans le rôle qu'aura l'affaire Dreyfus comme maintenant exemple, plus d'un siècle après. Alors la famille, effectivement, Mathieu, Le frère admirable, celui qui va conduire le cercle des Dreyfusards, Lucie, dont on reparlera peut-être, et puis cette sociabilité juive, puisque Lucie appartient à la famille des Adamar, qui vont donner un célèbre mathématicien, donc toute cette bourgeoisie intellectuelle juive parisienne, dont la plupart d'ailleurs sont venus d'Alsace en 1870, pour des raisons de principe, c'est-à-dire pour rester fidèles à la France, qui avait émancipé les Juifs en 1791. Et donc, il y a toute cette famille qui se constitue comme un cercle pour défendre l'honneur de Dreyfus. Et dans ce cercle, très vite, le premier des Dreyfusards, peut-être Bernard Lazare, tel que l'aimait Charles Péguy. Je vois encore sur moi son regard de myope, si intelligent et ensemble si bon, d'une si invincible, si intelligente, si éclairée, si éclairante, si lumineuse douceur, d'une si inlassable, si renseignée, si éclairée, si désabusée, si incurable bonté. Un homme qui sautait sur un journal et qui, sur les 4 pages, sur les 6, 8, sur les 12 pages, d'un seul regard, comme la foudre, saisissait une ligne, et dans cette ligne, il y avait le mot juif. Un être qui rougissait, pâlissait, un vieux journaliste, un routier du journalisme qui blêmissait sur un écho qu'il trouvait dans ce journal, sur un morceau d'article, sur un filet, sur une dépêche. Et dans cet écho, dans ce journal, dans ce morceau d'article, dans ce filet, dans cette dépêche, il y avait le mot « juif ». Un cœur qui saignait dans tous les ghettos du monde, un tremblement, une vibration perpétuelle. Tout ce qu'il faut pour mourir à 40 ans. Mais tous les Dreyfusards ne vont pas mettre systématiquement en avant le mot « juif ». Comme Gérard Lazare, à entendre Charles Péguy. Non, mais je voudrais rappeler quand même, et ce texte est extrêmement parlant, donc le rôle extraordinaire qu'a joué Bernard Lazare, premier des Dreyfusards, et sans doute premier des Dreyfusards sacrifiés, il mourra en 1903, peu de temps après Zola. Bernard Lazare saisit effectivement, mais de façon positive, tout le côté lié au judaïsme de l'affaire Dreyfus. Il faut se rappeler que Bernard Lazare, qui a commencé comme poète symboliste et qui s'est ensuite battu pour l'ensemble des juifs, je dirais, dans le monde, a conduit en 1893, donc un an avant que l'affaire n'éclate, une formidable enquête qui est la première enquête anthropologique sur le judaïsme, qui s'appelle « L'antisémitisme, son histoire et ses causes ». Et Bernard Lazare en est venu grâce... à travers l'affaire Dreyfus, a articulé cette lutte contre l'antisémitisme avec un internationalisme. Et Bernard Lazare a joué un rôle extrêmement important, si vous voulez, dans la récupération des motifs Dreyfusards du côté de la gauche française. 1897, alors que peu de choses s'étaient passées sur le front de la défense de Dreyfus depuis qu'il a été envoyé à l'île du diable, on commence à discuter à bas bruit dans la maison des Psychary à Tréguier de l'innocence du capitaine autour de Jean Psychary qui sera un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme à Alvar, station thermale que fréquente Scherer Kessner qui a mal à la gorge déjà à l'époque. On voit le sénateur se documenter. Il a appris de Le Blois, l'avocat du colonel Picard, qui vient d'identifier le vrai coupable, Esterhazy, qu'il y a sans doute des choses à faire savoir. Mais Scherer Kessner est longtemps tenu par le serment qu'il a fait à Le Blois de ne pas révéler ce que ne voulait pas voir révéler Picard, qui faisait confiance à l'état-major. Bon, Scherer Kessner, c'est un nom peut-être un peu oublié. Oui, Scherer Kessner, c'est aussi un des grands héros de ce cercle Dreyfusard, parce que grâce à lui, je dirais que le dreyfusisme sort à la fois du cercle familial et sort du judaïsme. Scherer Kessner, c'est un Alsacien, c'est un protestant, c'est quelqu'un pour qui la question de la vérité est une question avec laquelle on ne transige pas, et c'est quelqu'un qui sait que... c'est un homme politique, il est au Sénat, il est vice-président du Sénat. Il sait très bien qu'il ne peut pas utiliser le Sénat pour arriver à ses fins, mais en même temps, c'est quelqu'un qui lit les principes de justice et de vérité avec la République. Et donc là encore, c'est extraordinaire dans cet aéropage finalement de Dreyfusard de voir comment chacun va incarner à sa façon, et Scherer-Kestner sans doute mieux qu'aucun autre, ce lien entre la République et la justice et la vérité. Scherer-Kestner essaye de convaincre le président de la République, Félix Faure, le président du Conseil, Méline, le ministre de la Guerre, le général Billot. À l'époque, c'était des généraux qui étaient ministres de la Guerre, le pouvoir militaire et le pouvoir politique n'étaient pas très bien départagés. Et quand, enfin, autorisation lui est donnée de commencer à livrer le nom d'Esterhazy, il va y avoir, en novembre 97, une rencontre décisive entre lui et Émile Zola, que les Dreyfusards, depuis longtemps, sollicitaient. Alors, cette rencontre, elle est réimaginée à la façon de Stello Lorenzi, dans l'extrait que l'on va entendre, où est présente Alexandrine, la femme de Zola, qui, à l'époque, était peut-être plus loin que Paris, elle était en Italie. Toute la presse de l'état-major traîne dans la bouche, Scherer-Kestner. Qui c'est encore celui-là? Le vice-président du Sénat, le dernier parlementaire vivant des provinces arrachées de 71. Tu sais l'Alsace? Un saint. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre ce saint? Eh bien, Scherer-Kestner proclame que Dreyfus a été condamné sur une pièce secrète. Bah tu vois, c'est dramatique, Émile. Mais si Dreyfus est coupable... C'est si Dreyfus est innocent qu'il faut dire. Et puis ce Scherer... Scherer-Kestner! Eh bien, il est là, alors ça devrait suffire. Monsieur Scherer-Kestner, quelle joie. Monsieur Zola, j'ai suivi votre campagne, monsieur. Je suis heureux de serrer la main d'un parfait honnête homme. Tout le monde n'en dit pas autant. Ces attaques contre vous sont infâmes. Je vais l'écrire dans le Figaro. De Rodin m'a demandé des articles, vous allez être le premier. Je vous admire, monsieur, et je vous envie. Vous m'enviez? Je vous envie d'avoir eu le courage de prendre ainsi fait et cause pour ce que vous croyez être la justice. Il n'y a rien de plus haut. Je suis très honoré, monsieur. Reconstitution donc du déjeuner décisif le 13 novembre 1897 entre, allez j'ai employé des mots décisifs aussi, un représentant de l'élite, Scherer-Kestner, et un représentant des intellectuels, Zola. Oui, on pourrait dire un représentant de la République et un représentant des intellectuels. Il faut rappeler quand même que Zola avait, dès 1896, écrit un texte qui s'appelait « Pour les Juifs ». Et donc ce qui est là... On sent, si vous voulez, le glissement dans cette affaire Dreyfus, qui va passer donc d'une question concernant un officier juif à un combat politique, et qui va finalement, d'une certaine façon, dessaisir le judaïsme de cette question de l'affaire Dreyfus. On a été aussi beaucoup dans ce sens-là parce que il faut rappeler quand même que l'historiographie française a du mal avec les religions. L'historiographie française a du mal à se souvenir que au XIXe siècle, des minorités, et c'est le cas de Scherer-Kestner et c'est le cas de Bernard Lazare, qui étaient protestantes, qui étaient juives, se sont engagées du côté de la République parce qu'elles lisaient l'histoire de la démocratie et de la République également à travers leur attachement confessionnel. Et ça, je dois dire que l'historiographie française a pris soin de le gommer. J'espère que c'est quelque chose qu'on retrouve à travers ces grandes figures, parce que le protestantisme de Scherer-Kestner a joué un grand rôle dans son engagement. « Je vais écrire dans le Figaro », dit Zola. Bon, sauf que il commence à écrire en faveur de Scherer-Kestner dans le Figaro, et que le Figaro, perdant des lecteurs, abandonne sa tentative de devenir Dreyfusard. Et on sait que c'est dans l'Aurore qu'il va s'exprimer, l'Aurore animée par Georges Clemenceau, avec le fameux texte « J'accuse », dont on discute jusque dans les salons lecteurs du Figaro, ici, chez Madame de Villeparisis. Nous sommes dans Proust, bien sûr. De quoi palabre-t-il là-bas dans un coin? Demanda Monsieur de Guermantes à Madame de Villeparisis en montrant Monsieur de Norpois et Bloch. De l'affaire Dreyfus. Oh, diable! À propos, saviez-vous qui est partisan enragé de Dreyfus? Je vous le donne en mille. Mon neveu Robert. Je vous dirais même qu'au jockey, quand on a appris ses prouesses, cela a été une levée de boucliers, un véritable tollé, comme on le présente dans 8 jours. Enfin, en tout cas, personnellement, on sait que je pense tout le contraire de mon cousin Gilbert. Je ne suis pas un féodal comme lui. Je me promènerais avec un nègre s'il était de mes amis, et je me soucierais de l'opinion du tiers et du quart comme de l'an 40. Mais enfin, tout de même, vous m'avouerez que quand on s'appelle Robert Saint-Loup, on ne s'amuse pas à prendre le contre-pied des idées de tout le monde qui a plus d'esprit que Voltaire et même que mon neveu. Et surtout, on ne se livre pas à ce que j'appellerais ces acrobaties de sensibilité 8 jours avant de se présenter au cercle. Elle est un peu roide. Non, c'est probablement sa petite grue qui lui aura monté le bourrichon. Elle lui aura persuadé qu'il se classerait parmi les intellectuels. Proust lu dans le lieu de mémoire sur France Culture. Perrine Simon-Naoum. Oui, alors je pourrais parler pendant des heures de Proust et de ce passage. Ce qui est fascinant chez Proust, qui a été l'un des protagonistes de l'affaire Dreyfus, puisqu'il a été chercher des signatures, et pour Zola pour Picard, c'est qu'on constate dans son œuvre un effacement progressif de l'événement historique lui-même, raconté, mis en scène dans Jean Santeuil, qui est autobiographique d'une certaine façon, qui s'efface complètement dans la recherche. Et Proust est tout à fait ironique dans le passage dont vous venez de parler, c'est-à-dire que en réalité, qu'est-ce que montre Proust ? Il montre que l'engagement pour Dreyfus, c'est une affaire de sensibilité, c'est une affaire d'identité, et c'est tout sauf une affaire sociale, sauf une affaire de rang, puisque on va découvrir que le prince et la princesse de Guermantes sont des Dreyfusards, alors qu'ils sont au sommet de la hiérarchie de ce que devraient être des anti-Dreyfusards. Et donc il y a, à partir de l'affaire Dreyfus chez Proust, tout un travail sur l'identité, le parallèle entre les Dreyfusards et les invertis, les homosexuels, qui joue un rôle absolument central dans ce volume du côté de chez Swann et Sodome et Gomorre, et à travers lequel donc Proust va travailler l'acte d'écriture lui-même. Mais juste une remarque que faisait Linka Negulesco, qui a préparé cette série sur l'affaire Dreyfus, il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est de moins qu'on puisse dire, dans le film de Polanski. Mais, dans les salons, Madame Arconati Visconti, marquise, Madame de Caillavet, Madame Ménard d'Orient, souvent des femmes anticléricales qui ne servaient jamais de poisson le vendredi. Les femmes jouent comme d'habitude dans l'histoire un rôle essentiel, même si elles ne sont pas au premier plan. Elles font les choses plus souterrainement. Non, trêve de plaisanterie. Il y a d'abord une femme très importante, c'est Lucie. Lucie Dreyfus, dont on commence à découvrir le rôle à travers l'extraordinaire correspondance qu'elle a eue avec son mari et sur lequel Michel Perrault a écrit. Les femmes jouent un rôle essentiel parce que effectivement, elles sont ce lien de sociabilité qui permet aux intellectuels, qui permet au milieu, à travers les salons, de se constituer. Et donc, les femmes ont joué un rôle très important de médiation dans l'affaire Dreyfus. Après, J'accuse Zola est condamné. Esterhazy, qui est le coupable, lui, avait été acquitté précédemment et la justice militaire est tentée de se tourner contre le colonel Picard. Des pétitions ont lieu qui soutiennent avec 45 000 signataires le colonel Picard. Les pétitions donnent une bonne idée de la sociologie des Dreyfusards. Il n'y a pas que des intellectuels, il n'y a pas que des gens de la haute société, il y a 10 ou 20% d'ouvriers et d'artisans, il y a beaucoup de gens d'Alsace et du territoire de Belfort, il y a beaucoup de protestants. Oui, effectivement, ces cercles Dreyfusards, et on se souvient du dessin de Carandache, ils en ont parlé. C'est une famille qui se dispute. Voilà, une famille se dispute autour du repas du soir. L'affaire Dreyfus a vraiment traversé la France, et elle a traversé aussi, je dirais, au-delà de la France, l'Europe elle-même. C'est-à-dire que le travail qui est fait aujourd'hui par les historiens, vous ouvriez l'émission sur les historiens. Aujourd'hui, les historiens travaillent beaucoup sur la dimension internationale de l'affaire. Et vous vous souvenez de cette parole qu'Emmanuel Lévinas cite dans Difficile Liberté, lorsqu'il doit choisir de quitter sa Lituanie natale et d'émigrer. Son père lui dit, eh bien, va en France, là où on s'est levé pour défendre l'honneur d'un capitaine juif. Oui, parce que finalement, en 1899, une procédure de révision débute et un second conseil de guerre va être convoqué à Rennes, au lycée avenue Janvier, actuellement sur l'avenue qui mène de la gare au centre de Rennes. C'est Jean-Pierre Rioux qui décrit l'endroit. Alors nous voici dans cette salle des fêtes du lycée de Rennes. Elle est immense, 22 mètres sur 15, des murs peints en vagues couleurs café au lait. de très hautes fenêtres, un public qu'on a séparé, parqué quasiment, en élevant des barrières pour que Dreyfusard et anti-Dreyfusard n'en viennent pas aux mains pendant le procès. Au fond, là-bas, très loin, une sorte d'estrade, et où là, au milieu des plantes vertes, va siéger le conseil de guerre, une table tendue de bleu, entre les 7 officiers du tribunal militaire, 7 anciens polytechniciens, en tenue sombre d'artilleur. Le président donna l'ordre d'introduire l'accusé. Il se fit un silence complet. Toutes les têtes de cette salle, si profondément divisée, se tournèrent d'un même mouvement vers une petite porte à leur droite. 3 minutes s'écoulèrent. Il me parut jeune d'abord, ce pauvre petit homme qui, chargé de tant de commentaires, s'avançait avec une prodigieuse rapidité. Nous ne sentîmes rien, cette minute, qu'un mince flot de douleur qui entrait dans la salle. C'est un beau texte de la journaliste Séverine. Oui, les journalistes féministes, excusez-moi de revenir sur la question des femmes, Perrine Simon-Aoum, ont joué un rôle, la fronde de Marguerite Durand, même si Lucie, la femme, n'appréciait que modérément ces dames. Oui, parce que, évidemment, les féministes y ont vu là une cause à embrasser qui permettait à la fois de revenir vers la cause des femmes, celle qu'elles défendaient elles-mêmes, c'est-à-dire une minorité, une injustice qui était faite par la société, la mise en question des institutions. Donc, si vous voulez, les féministes trouvaient là, finalement, un certain nombre de motifs qui venaient alimenter leur propre lutte. Une condamnation est maintenue par le conseil de guerre à Rennes, 10 ans, avec circonstances atténuantes. Le président du conseil, c'est maintenant Voldec Rousseau, très habile dans l'affaire, obtient une grâce présidentielle le 19 septembre 1899, que Dreyfus accepte. Certains de ses partisans auraient voulu le voir continuer son martyre. Il va se reposer pendant un moment dans la famille de sa sœur, Madame Valabrègue, à Carpentras, où il est rejoint par Henriette Psicari. On se souvient de la famille de Jean Psicari. Elle en est une représentante éminente. C'était terrible de le voir. Il était vraiment, comment puis-je dire, pas seulement abîmé physiquement, oui d'abord, évidemment, mais enfin pas seulement abîmé physiquement, mais aussi moralement. On sentait qu'il y avait un trou dans la vie de cet homme. Un trou tragique, un trou d'exil, un trou d'injustice, un trou de misère. Mais c'était pénible, et je crois que moi qui avais 16 ans à ce moment-là, ou 15 ans, je ne me rappelle plus, qui était naturellement la vie et la gaieté même, n'est-ce pas ? J'avoue que je n'ai pas compris. Mais enfin, on ne comprend pas toujours. On ne comprend pas toujours la douleur des gens. À ce stade-là, on ne la comprend pas du tout. Après, j'ai compris. La jeune fille de 16 ans qu'elle était alors comprend mal que sur l'album qu'elle lui tend pour obtenir une dédicace, il écrive des mots d'une grande banalité parce que c'est un homme comme les autres. Oui, c'est ainsi que Dreyfus a toujours voulu se présenter, c'est-à-dire que ce qui importait pour lui, c'était de rétablir son honneur, c'est vrai, mais c'était la question de la vérité avant tout, et de la vérité pour tout le monde, pas seulement de la vérité pour lui. Mais il n'aimait pas se présenter comme juif, je reviens au thème du début de l'émission. Aucun juif n'aimait se présenter, je pense, comme juif, surtout dans ces milieux, et surtout Dreyfus avertit quand même des difficultés que présentaient pour les juifs les carrières militaires. Mais en réalité, je veux dire, là encore, il faut pas commettre d'anachronisme. Le judaïsme est vécu de l'intérieur, je dirais, comme un ethos démocratique, comme une façon d'avoir investi la République, comme une manière de vivre la France, la nation française, de participer à la patrie. Et donc, d'une certaine façon, s'il n'aime pas se présenter comme juif, c'est aussi parce que cela va de soi, c'est-à-dire qu'on est un Français comme les autres, on est un français parce que juif. Et on a tellement tendance maintenant à relire l'affaire Dreyfus, en fait, à partir d'une mauvaise lecture d'Anna Arendt, de la lecture qu'elle a donnée dans Les origines du totalitarisme, où elle établit une continuité directe, en gros, entre les juifs qui n'auraient rien compris à l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus et qui se seraient laissés mener à l'abattoir en 1940. En réalité, quand on revient sur les archives et les archives privées, comme vous le faites, on voit très bien que les juifs ont parfaitement analyser ce qui se passait, notamment dans les milieux antisémites. Il reste que la personnalité de Dreyfus contribue à diviser les dreyfusistes, et ensuite ce sont les événements, parce qu'on n'est pas dreyfusiste, à jet continu. Clémenceau, par exemple, l'homme qui a permis la publication de J'accuse, quand il est au pouvoir en 1908, il n'y va pas de main morte avec les ouvriers ou les viticulteurs en grève. Et Henriette Psicari se souvient de cela avec amertume. Clémenceau était... apposait partout sa volonté. C'était un homme terrible. Moi, je vais faire une confidence. Je n'aimais pas beaucoup Clémenceau. Il a l'air drôle de dire ça, étant donné le rôle qu'il a eu. Mais je reconnais que c'était un homme remarquable et extraordinairement lucide, surtout. Mais en réalité, ce que nous n'aimions pas chez Clémenceau, nous les jeunes, c'était qu'il était méchant. Il était méchant. Il avait le mot à l'emporte-pièce, le mot juste d'ailleurs, le mot qui s'appliquait exactement à l'événement. Mais on se demandait toujours, quand on fermait la porte, s'il n'allait pas vous en envoyer autant pendant qu'on ne l'entendait pas. Et puis, ce nationalisme impénitent, qui était un peu comme une espèce de fougue perpétuelle, France d'abord, France ceci, France cela, etc. Mais au point de vue de l'affaire Dreyfus, il était comme ça. Il était passionné. Il était droit, il était noble, et il avait des idées absolument justes et absolument certaines, mais en réalité, il envisageait l'affaire Dreyfus comme une espèce de combat acharné dans lequel il fallait avant tout être vainqueur. Il a été d'ailleurs. Henriette Psicari, on a 10 heures d'elle à Radio France. Perrine Simon-Naoum. Bah écoutez, c'est l'étonnante finesse de cette analyse qui dit bien quand même le regard de l'époque, c'est-à-dire la manière, ce qu'on ne ferait plus du tout évidemment aujourd'hui, dont on lit le caractère intime de quelqu'un et dont on extrapole de cela une attitude politique. L'affaire Dreyfus, évidemment, a constitué un problème, si vous voulez, dans la rupture qui s'est passée au sein du milieu dreyfusard, puisque vous savez qu'au moment où Dreyfus accepte finalement la grâce, beaucoup de dreyfusards, et Clémenceau le premier, mais aussi Picard, ne vont pas comprendre, c'est-à-dire vont s'insurger en disant mais finalement, accepter la grâce, c'est accepter de sauver sa peau, hein, ce que dit aussi Picard, et d'abandonner le combat pour les principes. Ce qui est très fascinant dans l'affaire Dreyfus, c'est la manière dont, encore une fois, et là, Dreyfus a joué un rôle essentiel et on ne le dit pas assez, il conçoit son combat dans les institutions. Et c'est pour ça, je crois, que l'affaire Dreyfus nous parle aujourd'hui. C'est-à-dire que les dreyfusards se sont partagés en deux camps. Est-ce que on insère le combat pour la vérité dans les institutions, en pensant que les sorts des individus dépendent aussi de la force que les institutions peuvent représenter face à la violence qui leur est faite, ou est-ce que du côté de Clémenceau ou de Picard, on sacrifie les individus, on sacrifie même, on est prêt à sacrifier les institutions pour maintenir les principes. Moi, je serais plutôt, je dois dire, du côté des premiers, c'est-à-dire de dire que finalement les institutions sont aujourd'hui comme un rempart pour que les individus puissent toujours se battre pour des principes. Merci à vous, Perrine Simon-Naoum, et merci d'avoir évoqué la personnalité d'Alfred Dreyfus, comme l'a fait votre coturne Vincent Duclerc. Je dis coturne parce que vous avez publié un livre en commun sur l'affaire Dreyfus. On en trouvera référence sur notre site demain, les anti-Dreyfusards. Au fond, ils sont peut-être à lire ce qu'on lit actuellement, entendre ce qu'on entend actuellement, plus d'actualité que les Dreyfusards. Ilinka Negulesco, Pierre-Yves Rollin à la technique, Juliette Gou à la réalisation.